de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Hervé. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je m'appelle Hervé Bonson, j'ai 61 ans, je suis un ancien gendarme et j'ai décidé de créer il y a 3 ans ma propre structure pour les stages de survie et après avoir été invité à le faire dans d'autres sociétés. Donc maintenant je suis tous les week-ends en forêt. Je m'y prépare et je continue à progresser dans mes apprentissages puisqu'il y a beaucoup de choses encore à savoir. Et c'est quoi Vosges Aventure Survie, justement ? J'ai cherché un nom qui était vraiment révélateur de ce que je voulais faire. D'abord, un Vosges, parce qu'on y est, ça se passe bien dans les Vosges. Ensuite, aventure, avant d'être en survie, parce que c'est un mot qui peut faire peur, la survie. Donc, aventure, ça veut dire préparer les gens à bien préparer leur trip, à s'organiser, à prendre les bonnes informations, à savoir quel matériel utiliser, à avoir les connaissances nécessaires, etc. Donc, préparer les gens à avoir une certaine forme d'autonomie en forêt. Donc, c'est l'aventure. Plein de trucs et astuces pour bien s'en sortir en forêt, vivre en harmonie avec la nature et non contre. Et ensuite intervient la survie, voilà, et on se pose la question, mais quand est-ce qu'elle arrive, la survie ? Donc, on l'aborde, évidemment, quand les événements tournent mal, qu'on est en situation dégradée, on va dire, la survie peut survenir. Imaginons tout simplement une jambe cassée tout seul, à la tombée de la nuit, je me suis fait mal, je suis immobilisé, personne ne va passer puisque la nuit arrive, et l'hypothermie me guette. La survie, là, peut commencer. Et depuis quand elle existe, Vosges Aventure Survie ? Alors, Vosges Aventure Survie existe depuis 3 ans. Je travaillais au préalable avec une société, ce sont des Belges qui étaient installés dans les Vosges et qui lançaient cette activité-là et qui m'ont recruté. Et puis, ils ont arrêté cette activité-là, sont partis en Belgique. C'est là que j'ai décidé de monter ma propre structure. Et comment est-ce que vous l'avez créée ? Alors évidemment, j'avais certaines bases de connaissances, etc. Et donc, je me suis dit, allez, il faut y aller parce que il faut aussi laisser voilà ce mouvement-là parce qu'il y a beaucoup de demandes de stages en forêt. Et puis, j'ai donc fait appel tout de suite à la société LTG à Remiremont qui a créé mon site internet. Il faut absolument communiquer, c'est incontournable. Donc création d'un site internet, Vosges Aventure Survie, et puis après les réseaux sociaux, etc. Et puis le bouche à oreille fait le reste. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette folle aventure ? Incidemment, j'avais pas décidé de le faire. C'est juste en faisant connaissance de cette famille belge là. Lui, c'est un ancien militaire belge installé dans les Vosges qui avait créé sa société. Et c'était donc un voisin. J'habitais là-haut, à côté de lui, et en parlant entre nous comme ça, un apéritif improvisé, il me dit :« Mais avec ton pédigré, comme il disait, il faut absolument que tu rejoignes mon équipe. » Voilà. Ce que j'ai fait. Et là, j'ai commencé mes premières armes là, ça m'a bien plu, j'ai dit ouais, c'est absolument ça que je veux faire maintenant, sachant que dans ma carrière passée, j'étais formateur et donc voilà, la pédagogie, c'était plutôt mon truc. Vous êtes actuellement instructeur, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, instructeur survie, c'est pas un diplôme qui existe. On s'auto-proclame instructeur, quel que soit le niveau, il n'y a pas de contrôle, de rien du tout. On peut être AMM, c'est-à-dire accompagnateur montagne. On peut être un ancien militaire, mais il faut quand même un diplôme. Pourquoi ? Parce que il faut pouvoir assurer son activité. Et là, je mets le doigt là-dessus et je trouve que c'est très important. Il y a plein d'anciens militaires qui se lancent dans cette activité-là, mais qui n'ont pas forcément le diplôme civil qui permet d'assurer leur activité. Et je trouve que ça, c'est un petit peu inconcevable. Moi, je suis brevet d'état des métiers de la forme et des loisirs. Voilà. Donc, je fais, dans le jargon de l'assurance, de l'activité de loisirs en forêt. Donc, bien évidemment, le terme survie n'existe pas en termes de métier. Voilà, on ne le trouve pas. Cela dit, pourtant, il y a beaucoup de monde. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être humble, déjà, et puis continuer à apprendre tous les jours, et surtout en ce qui concerne les plantes. Voilà, moi, je ne suis pas spécialiste dans les plantes. Je suis un ancien militaire. Les militaires, on ne leur apprend pas à quelle plante est comestible, etc. On leur donne une boîte de ration, une munition, une arme, et puis une mission et ravitaillement en cours. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment apprendre et être très, très curieux. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir instructeur ? Cette motivation, moi, quand je commençais avec mon métier d'avant, c'est-à-dire gendarme, avec vocation intervention militaire, etc. Et j'étais donc formateur à l'international, puisque j'ai vécu 2 ans à Madagascar. Donc je sais ce que c'est que l'approche de manque d'eau, manque de moyens, etc. Parce que j'étais pas logé à l'ambassade de France. Hein, j'étais avec ma famille au milieu d'un village où j'étais rationné en eau, où l'eau arrivait à 1h du matin au goutte à goutte. Donc voilà, j'ai appris à gérer toute cette situation. Et puis mon passé militaire, etc., où j'étais donc instructeur commando. Voilà, tout ça mélangé, ça fait un mix qui me dit que voilà, en forêt, moi je suis bien, je suis dans mon élément. Quel trait de caractère il faudrait y avoir selon vous pour faire ça ? L'humilité. Hein. Et puis après, la curiosité, être curieux, apprendre, écouter les besoins des gens qui viennent me voir, puisque j'ai un panel de clientèle très divers. Il faut être très calme. Et puis, voilà, pas arriver en conquérant. Est-ce que ça vous a permis d'apprendre des choses de faire ça ? On apprend tous les jours, hein, ça c'est clair. Ça rejoint à ce que je disais juste avant, c'est que celui qui dit « je sais tout » est un idiot. Donc, quand bien même j'ai beaucoup de connaissances, j'ai pas toutes les connaissances. Et donc, il faut continuer à apprendre. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites, justement ? Ah, le contact avec les gens. Le contact, moi j'ai une clientèle très hétéroclite. Ça va aussi bien du maçon jusqu'au chercheur en cancer, le médecin. Tous les corps de métier sont représentés. Il n'y a pas une partie de la société qui vient en stage et l'autre pas. C'est vraiment l'envie pour ces gens-là, quel qu'ils soient, quelle que soit leur origine, de venir passer un bon moment en forêt, déconnecté de la vie de tous les jours. On est hors du temps. On mange quand on a faim, on dort quand on est fatigué, on revient aux valeurs il y a longtemps où effectivement on est vraiment en harmonie avec la nature. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de vos différentes activités. On vous laisse avec Queen avec leur titre indémodable We Will Rock You. On se retrouvera juste après sur le 107. Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face. Big disgrace, somebody better put your bag into your place. Écoutez Radio Gamozo. Radio Gamozo 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Hervé. Je voulais partager une citation avec vous de Kera Chakor qui dit que c'est la nature qui fait l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, il y a plein d'auteurs qui ont ramené l'homme à la nature en rappelant qu'effectivement, elle ne nous appartient pas. Et c'est à nous de la respecter et de la chérir parce qu'elle était là avant nous déjà. Et puis, j'en ai retrouvé quelques-unes aussi que j'adore, c'est celle de Victor Hugo. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont écrit sur ce sujet-là. Et j'estime qu'effectivement, il faut vraiment, vraiment respecter la nature. Et c'est notre avenir qui en dépend, quoi. Je veux dire, franchement, on a Philippe Saint-Marc qui dit « L'homme se doit d'être le gardien de la nature, non son propriétaire ». Voilà. Donc, des tas de petits rappels où ils sont tous d'accord, ces grands auteurs, pour dire que la nature n'est pas à nous. Et c'est à nous de nous y intégrer sans déranger. Voilà. Alors, quand je suis sur mon terrain pour les stages, je demande bien aux gens de profiter de l'instant et surtout de respecter l'environnement, que ce soit les végétaux ou les animaux, qui sont nombreux. Voilà. Et je pense qu'ils comprennent très très bien mon discours. J'ai une autre citation de Boris Cyrulnik qui lui dit que si on ne respecte pas la nature, on partira avec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous ? Mais de toute façon, c'est un sujet d'actualité. On est tous d'accord pour... Il y a un appel au secours international. Je suis pas certain que tout le monde l'entende. Il y a urgence climatique, urgence sur la nature. Hein. La nature, effectivement, c'est le climat aussi. La forêt, cette culture intensive de l'huile de palme, etc. Effectivement, ça ne nous touche pas directement. C'est loin de nous. Voilà, en Europe, on en a soi-disant conscience. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des petits gestes au quotidien. Je pense qu'il faut faire ça. Voilà, tiens, d'un seul coup, on vient de décider qu'il fallait arrêter de donner des tickets de caisse. Bon, eh ben faisons-le. Des petits gestes mis les uns au bout des autres feront peut-être qu'un jour les choses s'arrangeront, etc. Eh ben on aura quand même toujours besoin de notre voiture. Mais on ne va pas retourner au vélo ni à la marche à pied parce qu'on est dépendant de tout ça. Voilà, de nos téléphones, de tout ça. C'est un fait. Mais voilà, il faut en prendre conscience, effectivement. Après, le problème avec le téléphone, il y a tellement de choses possibles à faire que tout est fait pour qu'on soit dépendant de ça, en fait. Oui, je pense que c'est un lobby, de toute façon. Donc, moi, je suis le premier, je l'utilise parce que c'est moi aussi mon outil de travail, de communication avec les gens qui recherchent mon activité. Effectivement, c'est un outil de travail merveilleux. Et mais voilà, et bien, à toute chose, malheur est bon, mais faut pas exagérer non plus, quoi. Là, j'ai pas la main là-dessus. Je fais ce que je peux à mon humble niveau. Quel genre d'activité est-ce que vous proposez ? Dans mes stages ? Ah ouais, alors, ne pas se perdre. Voilà, déjà ne pas tomber en ne pas être en situation de survie, j'explique que c'est déjà essayer de ne pas vous perdre, messieurs dames. Donc ça tourne autour de l'orientation carte boussole. Ensuite, on a fabriquer un abri, faire du feu, gérer l'eau, comment rendre l'eau potable. Comment faire du secourisme en milieu isolé. J'étais moi-même formateur en secourisme PCA. C'est du secourisme de ville. Mais quand on est en pleine nature, on va pas évacuer quelqu'un par la traction des chevilles ou des poignets au milieu de la forêt. C'est inconcevable. Donc voilà, j'ai mes techniques qui valent ce qu'elles valent, mais elles sont efficaces. Et j'en suis moi-même convaincu, puisque c'est moi qui les ai mises au point. Et effectivement, j'essaye de faire en sorte que ce que je sais s'adapte au milieu dans lequel je suis. Voilà. Donc j'y travaille. Est-ce que comme il y a des fois des accidents de la route, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas déplacer la personne qui est accidentée ? Effectivement, c'est ce qui est dit dans toutes les formations de secourisme, ne pas mobiliser la victime selon le jargon, sauf cas d'extrême urgence ou d'impérieuse nécessité, l'eau qui monte, la circulation autour, le feu qui avance, j'en passe et des meilleurs, des fumées toxiques qui arrivent, plein de choses qui font qu'effectivement, si je peux, sans me mettre en péril moi-même, évacuer la personne, je le ferai. Voilà, en respectant évidemment l'alignement du rachis de la colonne vertébrale. Mais en forêt, c'est assez compliqué. Quand vous avez un feu de forêt et que vous essayez de vous sauver, vous êtes deux. Allez, je vous mets en situation. Vous êtes deux en forêt. La forêt brûle, elle avance sur vous. Il y en a un qui se prend les pieds dans les branches, qui s'assomme sur une pierre. Et non, au milieu des branches. Hein. Et il y en a partout en forêt. C'est très dangereux. Eh bien, allez-y, sortez-le. Voilà, traction par les chevilles, par les poignets, c'est inconcevable. Mais j'ai ma technique. Je vous invite à venir la voir. Elle fonctionne bien. Voilà. Donc, voilà, il faut effectivement éviter de bouger les victimes si c'est pas nécessaire. Vous faites comme dans les films, vous le portez sur votre dos, c'est ça ? C'est ça. Mais alors arriver, partir du sol et arriver avec la personne sur le dos, voilà, j'ai toute une succession de positions à prendre, etc. Mais je ne peux pas vous la décrire, il faut la faire. Et quels sont les profils des gens qui viennent vous voir, la tranche d'âge à peu près ? Alors la moyenne d'âge, effectivement, c'est 20-30 ans, 40 ans. Mais il n'y a pas de limite. Mon plus jeune avait 6 ans. Il est venu avec maman, c'est une maman qui venait avec ses deux enfants, dont un avait 6 ans. Ah, j'avais dit, à l'époque, 6 ans, ça fait petit. Bon, elle était toute seule, voilà, je l'avais acceptée toute seule avec ses deux enfants. Mais le gamin, à 6 ans, il avait déjà taillé ses silex pour écorcher les animaux qu'on allait tuer. forcément, forcément, il était un peu déçu. On a rien tué du tout, et voilà, Mais il a appris plein de choses quand même, et il était heureux. C'est tout ce qui compte, hein, voilà. Après, j'ai des personnes du troisième âge qui viennent des mamies avec leurs petits-enfants aussi. J'ai des groupes de 30 ans qui viennent faire leur enterrement de vie de célibataire ou juste une cousinade ou un anniversaire. C'est le moment pour marquer le coup, comme on dit, entre potes ou en famille. Mm-hmm. C'est une notion de partage. Ça, j'insiste là-dessus, c'est arriver tout seul, faire un stage, c'est bien. Mais le partager avec quelqu'un de proche, ça prend une autre dimension. Parce qu'après, on peut reparler en disant, on a fait ça. Tu te souviens, mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? C'était comment ce nœud? C'était quoi la technique? Et puis voilà, on en reparle après. Est-ce que vous intervenez auprès des entreprises aussi ou pas? Absolument, et c'est absolument là-dessus que j'essaye d'évoluer, de faire en sorte que les entreprises puissent venir passer un bon moment chez moi. Je leur fais des activités soit à la journée, j'ai même eu à la demi-journée où je me suis déplacé à Falsbourg pour caisse d'épargne par exemple, ou alors c'est eux qui viennent dans mon camp, je reçois jusqu'à 30-40 personnes. On est deux instructeurs, on encadre tout ça, et puis on leur fait passer une journée ludique sous forme d'atelier autour de la survie, façon un peu Koh-Lanta, voilà. Avec des bandeaux pour les équipes, des challenges, voilà. Je leur montre la technique, ils la reproduisent et puis voilà, ils essayent d'être devant les copains. À savoir que les instructeurs, c'est pas comme aux États-Unis à hurler sur les recrues, leur faire dépasser leurs limites. Non, c'est très très détendu. C'est vraiment, je disais, c'est ludique. On rigole, on passe un bon moment. Voilà, on se fait un petit repas ensemble. Voilà, j'affame personne, je brime personne et je n'insulte personne. Est-ce que vous recevez des scolaires ou des colonies de vacances, par exemple? Voilà, donc ça, c'est un grand programme qui a été lancé au départ et qui fonctionne. J'ai déjà des réservations pour des scolaires de Moselle pour juin 2024. J'en ai même deux. Et pour juin 2024, et le dernier en date, c'était le centre aéré du Val d'Ajol qui est venu 3 jours en forêt. On a un peu écourté à cause de l'air torage qui était arrivé à ce moment-là, mais voilà, tous les ans, on a rendez-vous. Est-ce que des personnes qui souhaitent fêter leur enterrement de vie de garçon ou de jeune fille ont déjà fait appel à vous? Absolument. Donc mon dernier stage, c'était le week-end dernier. Voilà, 8 garçons qui étaient là en vue de fêter, d'entériner cette vie de garçon. Voilà, et puis de profiter d'un beau moment entre potes, au milieu de la forêt. Et voilà, ça resserre les liens, je trouve, en plus. Est-ce que vous leur proposez des activités différentes que vous proposez au stage ou c'est la même chose? C'est exactement la même chose. Et puis, de toute façon, c'est toujours un moment de convivialité. Donc voilà, ils font ça ensemble. C'est la même chose. Les groupes que j'ai, en règle générale, je les constitue puisque j'ai des demandes, etc. Je crée un groupe avec des gens qui viennent d'horizons différents, d'horizons géographiques aussi. Et puis, c'est l'occasion effectivement de se rencontrer. Et puis, ce week-end, il y avait des gens qui venaient de Pyrénées-Orientales, de Marseille, de Paris, d'Alsace, etc. Ils sont tous retrouvés chez moi, sur mon camp. Voilà, c'est un bon moment de partage. On va maintenant parler de survie, hein, qui pourrait aider nos auditeurs et auditrices. C'est quoi les vertus des champignons qu'on peut trouver en pleine forêt? Les champignons, je les aborde pas en règle générale, parce que déjà, humblement, je les connais pas assez. Mais par contre, ce que j'indique, c'est que on peut, même si on est sûr de son champignon, eh bien, on va donner l'illusion qu'on mange quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a aucune valeur nutritive dans un champignon. Un champignon, il pousse dans la nuit, après une pluie battante. Voilà, le lendemain matin, il y a un champignon là où il n'y en avait pas la veille. Ça veut dire que c'est rempli d'eau. Voilà, donc ça n'a aucune valeur nutritive. Par contre, sur le plan mental, ça peut vous faire croire que vous mangez quelque chose et effectivement, ça peut vous apporter un petit boost mental. Sinon, voilà, le seul champignon vraiment que j'aborde, c'est le champignon pour les arbres morts, qui est un polypore. On appelle ça aussi champignon amadouvier, qu'on trouve sur les arbres morts, qui ont des vertus non pas nutritives, mais anti-moustique, hémostatique, sur des coupures, etc. Mais ça, on évite de le manger, évidemment. Est-ce que, comme dans les films, il faut frotter 2 bouts de bois ensemble ou avec une pierre pour allumer un feu? Ben, je vous invite à le faire et voir le résultat. C'est une petite catastrophe, surtout par des temps humides. On a beaucoup d'humidité en forêt, etc. Donc le feu par friction existe depuis la nuit des temps, c'est sûr. Mais si vous avez quelques heures devant vous, allons-y. C'est une débauche d'énergie avec pour un résultat qui est assez médiocre, en fait. Et quand bien même vous arrivez à avoir une petite incandescence, après, il faudra gérer ça et avoir ce qu'il faut pour brûler, etc. Donc quand il pleut, allez, s'il y a 1h du matin, vous n'êtes toujours pas le feu, allez vous coucher, hein, on va dire ça. J'ai bien d'autres techniques à proposer, voilà. La friction, moi, elle est sur le Fire Steel, en anglais, pierre à feu. Vous en trouverez chez Decathlon. Voilà, c'est la valeur sûre. Voilà, c'est juste une question de préparation. Si vous n'avez rien, effectivement, ben, faudra se lancer dans la friction. Et puis, faudra s'y reprendre à plusieurs fois. On peut faire du feu par friction avec un morceau de bambou. Hein, voilà, façon Koh-Lanta. Et ça dépend du climat dans lequel vous opérez. Voilà, c'est un gros brouillard. De toute façon, quelle que soit la technique que vous utilisez, faire du feu par un gros temps humide, brouillard ou pluie, c'est pas gagné, tout simplement. Et justement, quand il pleut, ça doit pas être évident, à savoir que quand il pleut, on a plus froid du fait. Exactement, donc d'où la nécessité d'avoir du feu. Donc on arrive à faire du feu, même quand il pleut, il suffit de trouver un arbre mort et puis arriver à mettre en place cette technique qu'on appelle le split wood fire, le feu du bois fendu. Et on peut arriver effectivement à démarrer son feu avec ça, puisque dans le bois mort, à l'intérieur, l'eau ne rentre plus, et à l'intérieur de ce bois mort, vous avez du bois sec. Voilà, et j'ai vendu la moitié de mon stage déjà. Comment est-ce qu'on peut choisir un lieu pour s'abriter? Alors évidemment, il y a plusieurs possibilités de s'abriter en forêt, notamment si vous allez dans le Fossard, par exemple, vous avez des tas de falaises, des promontoires rocheux qui vous permettent de vous abriter dessous, en tout cas de ne pas avoir d'eau sur vous, hein, ça vous tiendra pas chaud forcément. Vous avez aussi des abris naturels comme les caves voûtées, ce qui reste des anciennes fermes sur des ruines. Donc quand vous êtes en forêt, que vous êtes perdu, que vous voyez tout un tas de pierres qui ressemblent à une ruine, approchez-vous, regardez s'il n'y a pas une entrée et vous allez aller dans le sous-sol, dessous, trouver régulièrement, il y a des caves voûtées où on peut tenir à 10 debout dedans. Voilà, elles restent intactes, elles, la plupart du temps. C'est assez miraculeux lorsque vous êtes dans une situation un petit peu périlleuse. Mais il y en a beaucoup, en fait, dans les Vosges, j'en connais quelques-unes. Et puis après, c'est une question de bon sens et c'est pour ça que je m'appelle Vosges Aventure avant survie, où je dis aux gens, ne partez pas les mains dans les poches. Si vous avez sur vous de quoi vous abriter, ne serait-ce qu'un morceau de bâche, 2 mètres sur 3, vous irez partout. Voilà. Et après, faire un abri végétal, c'est possible. Il faut 30 cm d'épaisseur pour être à peu près à l'abri de la pluie. Ça nécessite un peu de temps. J'avais vu déjà des reportages où des fois ils retrouvent des abris de la Première Guerre mondiale dans les forêts. Ben des c'est... abris souterrains. Ouais, des abris souterrains, effectivement, où c'est, la plupart du temps c'était en pierre, où c'est resté intact. Ils ont fait ils ont reproduit ces systèmes d'abris souterrains en pierre, mais il y en a moins que des caves voûtées, ça c'est clair. Mais il faut pas espérer en trouver un à chaque coin de rue ou chaque coin de sentier. Voilà, à mon avis, c'est un petit peu compliqué. À l'inverse, voilà, vous trouvez plein de fermes au milieu de la forêt. Il n'y a pas de chemin pour arriver. On se dit, mais comment cette ferme est arrivée au milieu de la forêt? Non, c'est la forêt qui est arrivée après cette maison qui existait, que les gens étaient en autosuffisance. Là où il y a de la forêt aujourd'hui, il y avait du pré où on fauchait. Voilà. Par contre, en 1960, par là, un ministre de l'Agriculture a demandé aux paysans de l'époque de planter de la forêt pour reconstruire un petit peu la forêt française. Et on trouve aujourd'hui notamment de l'épicéa. Cet arbre qui est malade aujourd'hui, bah, il a 60 ans aujourd'hui. Voilà. Et la forêt a repris ses droits, a envahi toutes ces zones de culture et on retrouve des morceaux de pierre, voilà, des vestiges d'anciennes fermes, au milieu de nulle part, comme ça. Comment est-ce qu'on peut construire un abri en pleine forêt? Vaste sujet. Il vaut mieux que je vous le fasse la démonstration que de vous l'expliquer, mais voilà, c'est une question de bon sens. Si vous partez avec un morceau de ficelle, une bâche, etc., vous allez vous installer en 5 minutes. Si vous n'avez pas ça, il vous faudra plusieurs heures pour faire un abri végétal avec de la mousse. Vous avez la sphaigne sur le bord des ruisseaux qui est capable d'absorber 5 fois son volume en eau. Donc voilà, vous faites un amas de mousse, mais ça nécessite des heures et des heures et des heures sous la pluie pour le coup. Mm-hmm. Donc on évite de faire son abri pendant qu'il pleut, voilà. On s'installe quand il fait beau, on profite de la fenêtre météo. En tout cas, quand j'arrive sur un endroit où je veux camper, c'est la première chose que je vais installer s'il fait beau. Car on ne sait jamais. Point de suspension. J'avais vu dans un reportage, je crois que c'est un ancien instructeur anglais, qui lui, il prenait de l'eau qu'il y avait sur les herbes, de la rosée, et disait qu'on pouvait boire ça. C'est Monsieur Bear Grylls. Oui, je crois que c'est lui. Voilà, donc je fais pas de pub pour ce monsieur, qui en fait, il fait de la télé, hein, tout simplement. Donc lui, je lui fais pas de pub, et je dis surtout, c'est le mauvais exemple. Il est capable de presser une bouse de vache dans un foulard, et de récolter le jus de cette presse pour dire, vous pouvez boire, c'est de l'eau. Non, c'est de la bactérie liquide. Donc il a fini plusieurs fois entre la vie et la mort, en hôpital, donc c'est vraiment le pire exemple à suivre. Voilà, donc allez voir plutôt Mike Horn, et encore. voilà. Il faut rester un petit peu lucide et pas écouter aveuglément, reproduire aveuglément ce qu'on a vu ou entendu sur les réseaux. Attention là-dessus. Il n'y a pas que des bonnes choses. Donc, non. Oui, l'humidité sur les végétaux, oui, on peut la prendre. Il n'y a aucun souci. Récolter l'eau de pluie pour la boire, oui, mais sans excès, parce que c'est de l'eau déminéralisée. Donc, votre santé, si vous ne buvez que ça pendant des semaines, vous risquez d'être un petit peu malade. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on est perdu en pleine forêt, qu'on n'a aucun moyen de communication sur nous ou aux alentours? Alors dans les Vosges, le club vosgien a fait un marquage extraordinaire. Donc on a cette chance-là, c'est que si vous êtes perdu et que vous tombez sur des sentiers balisés par hasard, suivez-les, surtout si ce sont des cylindres creux et non pas des ronds-pleins, des cylindres creux. Ce sont des balades qui font moins d'une demi-journée. Donc vous suivez ce balisage et vous allez tomber sur un parking, sur quelque chose. Revenez sur les chemins, ne restez pas en pleine forêt. Si vous voyez que ce chemin est plein de branches, c'est un chemin de débardage où les forestiers ont tout laissé. Ne rentrez pas là-dedans. J'ai trouvé une personne une fois qui avait été blessée à cause de ça et qui était vraiment perdue en panique et que j'ai pu récupérer in extremis avant l'orage, la nuit et toutes les conditions qui étaient réunies pour être une situation de survie à venir. Donc voilà, on reste sur les chemins. Si on peut marcher, on déambule, faut pas rester à l'arrêt, faut garder une activité cardiaque pour garder un peu de température. C'est tout un stratège. Après, on évite de monter. On va suivre l'eau, le sens de l'eau. Là où il y a l'eau, il y a la vie. Donc en bas, on a fait des villages, on a construit des habitations autour de l'eau. Donc suivez le sens de l'eau, ne remontez pas contre-courant. Et qu'est-ce qu'on peut manger ou boire en pleine nature? Ah, 80% des plantes sont comestibles. C'est là qu'il faut apprendre. Les 20% restants sont mortels. Alors, on apprend les 20% mortels et on peut peut-être essayer de se jeter, pas à corps perdu, mais voilà, d'essayer de manger celles qui sont comestibles. À commencer par l'ortie, le plantain, etc., etc., le lierre terrestre. Il y en a plein des plantes, plein. Sauf que quand vous êtes dans une forêt très épaisse où il y a beaucoup de résineux, il n'y a pas beaucoup de photosynthèse. Donc les végétaux à manger, hormis au mois de mai, vous avez toutes les jeunes pousses, les jeunes feuilles, on peut tout manger, voilà. Sauf l'if, on n'a pas d'if ici, je crois pas. Voilà, mais les jeunes feuilles, les bourgeons de sapin, etc., on peut manger tout ça, mais ça a une durée de vie, quoi. Apparemment, à partir du mois de fin mai, voilà, c'est plus compliqué. Mais l'ortie, par contre, voilà, même crue, il y a une technique. On peut la manger crue sans se piquer. Et là, on est sûr de se rassasier, vitamine C, plein d'éléments nutritifs, bien meilleurs que ce qu'on trouve dans les champignons. Et comment est-ce qu'on peut réagir si on tombe nez à nez avec un animal sauvage, un sanglier, par exemple? A priori, on n'a rien à craindre du sanglier. Quelquefois, vous marchez sur un chemin, vous l'entendez grogner, il est dans son fourré, dans ses ronces. Voilà. Le seul danger, c'est une laie avec ses marcassins. Si vous l'acculez, qu'elle n'a pas les moyens de s'enfuir, elle peut éventuellement devenir dangereuse potentiellement. Donc on reste calme, on n'essaye pas de venir les toucher, si tant est qu'elle soit blessée surtout. L'animal par instinct évitera notre contact. Donc c'est pas la peine de faire la bêtise de vouloir y aller. Il n'y a pas de danger. Il faut respecter ça. Si vous entendez, si vous voyez un animal, laissez-le vaquer et puis aller où il veut. Le loup, il y en a, mais si vous le voyez, c'est vraiment parce que c'est vraiment le hasard. Normalement, il nous sent à 2 km, donc il a aucune raison de venir nous voir. Là où je suis, il y a du sanglier, il y a du cerf, de la biche, du chevreuil, j'en passe, et beaucoup d'oiseaux. Il y a tous les pics, piquet, pêche, il y a plein d'animaux. Il faut les observer de loin et surtout éviter de venir les approcher. Et comment est-ce qu'on peut purifier de l'eau? Vous voulez un stage, en fait. Vous voulez venir chez moi. Voilà. Purifier l'eau. Si vous n'avez pas de moyens modernes comme des pastilles ou des gourdes filtrantes, il faudra la faire bouillir. Donc, rendre l'eau potable, voilà. Faut pas faire n'importe quoi. Mon camarade Mike Horn, je dis mon camarade parce que voilà, on fait à peu près le même métier. Je l'ai vu faire une grosse bêtise quand il faisait ses télés avec Laure Manaudou. Il lui a fait un trou dans le sable. Ils étaient en train d'observer des éléphants et Laure Manaudou avait soif. Donc, il dit, c'est pas un problème. On va aller accoster. On va faire un trou dans le sable et l'eau qui remonte dans le trou, elle est filtrée par le sable et tu peux boire. Non, le sable ne filtre pas les bactéries, hein, ça se saurait. Donc Laure Manaudou, après, on la voit en train de vomir ses tripes. Donc Mike Horn, non, tu t'as dit une bêtise. Voilà. L'eau, il faut la bouillir. J'ai les chiffres de l'OMS. Ouais, on va rester là-dessus. Voilà, vous faites bouillir l'eau. Alors j'ai entendu toutes les durées d'ébullition, etc. Mais vous savez quoi? Je vais pas vous le dire. Faut venir en stage. J'ai vu via votre site que vous proposez de maîtriser les nœuds de corde. À quoi ça peut servir, ça? Ah, C'est ma passion première, ça. C'est, voilà. Tendre une corde au-dessus d'un cours d'eau pour sécuriser le passage pour le reste du groupe. Voilà, il y en a un qui va franchir, bah, évidemment, en tractant la corde derrière lui, il va faire un nœud, on va faire un nœud de tension. Et puis après, ceux qui sont en arrière vont mousquetonner leur sac sur la corde qui est tendue à l'horizontale au-dessus du niveau de l'eau, se tenir à cette corde-là en guise de main courante. En fait, tout le monde se déshabille, on traverse en slip, s'il faut nager, on nage. De l'autre côté, le sac, lui, il est hors eau, puisqu'il est pendu sous la corde. Et puis après, on se rhabille et on continue notre trip. Et il y a un nœud, ensuite, pour récupérer cette corde, voilà, autodégraphable depuis l'autre côté. Le nœud d'évadé, le nœud de brigand, ou de son nom d'inventeur, le nœud du four. Donc plein de nœuds, les nœuds d'ajout, les nœuds d'amarrage, les nœuds de tension, les nœuds, voilà, ça c'est mon dada. Voilà, et puis éventuellement, pour ceux qui veulent aller au Canada, et puis quelquefois faire une petite descente de quelques mètres, voilà, faire un petit rappel en S, parce qu'on n'a pas d'autre moyen, mais il faut une corde. Est-ce que vous ne proposez des activités qu'en pleine forêt? Oui, je ne fais pas de stage de survie en urbain. Par contre, ça peut exister. Stage de survie urbain. Il y en a qui ont lancé ce concept-là. J'y ai même pas réfléchi parce que je pense qu'effectivement, si demain il y avait un gros cataclysme et que toute la société se retrouve sans eau, sans électricité, tout le monde va être en survie. Et je pense, après y avoir réfléchi, que ça peut être un beau chantier, ça peut être vraiment du grand n'importe quoi. Quand on voit que avec la pandémie, tout le monde se jetait sur un rouleau de papier toilette, que les gens se battaient pour un pot de Nutella, si demain la société se retrouve confrontée à une grosse catastrophe, on a du souci à se faire. Donc je me suis pas lancé là-dedans, parce que je pense qu'il faudra effectivement venir en forêt pour être un peu plus tranquille qu'en ville. Mais effectivement, moi je suis plus vers la nature, voilà. Parce que c'est le biotope est quand même beaucoup plus sympa que le béton. Et sur quel secteur est-ce que vous intervenez? Alors, j'ai la possibilité d'accéder à deux camps qui sont des terrains privés sur lesquels j'ai tout loisir de dispenser mes stages qui ne m'appartiennent pas, mais voilà, j'ai carte blanche, donc sur les hauteurs de Gérardmer et après l'Exette. Et puis un autre camp un petit peu plus loin, sur les hauteurs des Arentes de Corcieux vers Chandroche. Voilà. Et donc tous les week-ends, il y a un stage sur chaque camp. Puisqu'on est deux instructeurs maintenant, Julien, mon bras droit, lui, il a un BPGEPS, nature, environnement, etc. Donc voilà, qui est, on cadre lui-même ses stages et sous le nom de Vosges Aventures Survie aussi. Et il y a combien de kilomètres à peu près sur tout le secteur que vous intervenez? En fait, on gravite autour des camps la plupart du temps, sauf sur les stages de 3 jours où on a on a de l'itinérance. Je propose des stages de 3 jours et 2 nuits, donc à chaque fois c'est 3-4 heures de marche maximum. Et on réinstalle son camp, on repart le lendemain, etc. Et on installe son camp le lendemain matin, on va faire notre propre nos petits pains qu'on appelle les chapatis. On va faire nos chapatis avec la farine, etc. On va, si la saison le permet, on va faire notre propre compoté avec les fruits qu'on a récoltés pour se nourrir. Voilà, c'est un peu plus l'aventure. Donc on est sur une fourchette de 5-10 km maximum. Est-ce que vous faites parfois des haltes dans des refuges ou chez l'habitant? Jamais. Si je dois organiser un trip de plusieurs jours, j'aurai toujours à l'esprit d'avoir un refuge ouvert, accessible par tous, sur mon trajet, en guise de repli possible en cas de catastrophe météo, quoi. Mon souci en forêt, c'est pas tellement la pluie, c'est plus le vent. La forêt est fragile, les épicéas tombent tout seuls par grand vent. Donc j'éviterai de dormir en forêt lorsque la météo ne s'y prête pas. Donc il y avait effectivement la possibilité de trouver dans les Vosges un refuge. Petite parenthèse, j'ai un ami qui s'appelle, dont la page Facebook, je vais faire une publicité pour lui, il s'appelle Le Marcheur et son chien, et qui a fait tout un tas de vidéos sur 200 refuges et abris accessibles par tous. Il a fait à chaque fois une petite vidéo sur cet endroit en disant comment on y vient, quelles sont les réglementations, les possibilités, si c'est un 3-faces, 4-faces, un brûle-feuille, et avec les réglementations en vigueur sur le secteur. Donc c'est Le Marcheur et son chien. Donc je vous invite à aller le voir parce que c'est très riche en enseignements. À chaque fois, il y a une petite vidéo. Et quels sont à peu près les horaires de début et de fin des activités du stage? Ah, j'ai trois types de stages principaux. Le premier stage, c'est le stage 24 heures, qui en fait démarre à midi, par exemple, le samedi, et qui finit le lendemain midi. Voilà. Donc on a une nuit au milieu, et puis ça laisse le temps aux gens d'arriver le matin et de repartir l'après-midi le lendemain. Ensuite, j'ai le stage week-end, qui démarre le samedi à 9h et qui finit vers 16h le dimanche. Et le stage 3 jours, qui démarre le samedi 9h ou le vendredi, selon, puisque ce sont la plupart du temps des stages pendant des jours fériés. Vendredi, samedi, dimanche, ou samedi, dimanche, lundi, de 9h 9h à midi à peu près le dernier jour. Donc, il y a le choix. Et après, je peux faire des stages à la carte. Et c'est quoi la team building? Team building, bah effectivement, lorsque les chefs d'entreprise voudraient un petit peu créer une certaine forme de cohésion dans son entreprise, on fabrique une team. Donc, ça permet au patron de voir un petit peu ce qu'ont un petit peu dans le ventre ses employés, quand on les met en situation, un petit peu, voilà, qui va être le chef de file, qui va diriger l'équipe, qui va être actif, qui va être un peu en retrait. Voilà, on voit vraiment les gens comme ils sont réellement par rapport au bureau ou l'activité professionnelle. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec AC/DC et ZZ Top. On se retrouvera juste après sur le 107. We'll be right back. 107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Rumors spreading round, and that takes its time. But the shack outside the game, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Écoutez Radio Gemozo. Radio Gemozo 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Hervé. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leur autoradio ou leur transistor sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Hervé ? Ah, les choix musicaux, c'est toute ma jeunesse en fait. Je suis né au siècle dernier, dans les années 60, et après j'ai grandi avec ces musiciens-là. Voilà, ma sixième, voilà, j'ai appris l'anglais avec We Will Rock You, voilà, la traduction. Elle m'a suivi tout au long de ma carrière et puis voilà, j'aime la musique, j'aime que ça bouge, voilà, tout simplement. Est-ce qu'il faut réserver pour participer au stage que vous proposez ? Évidemment, oui, il faut me contacter un petit peu à l'avance, il faut que j'anticipe, puisque comme je nourris quand même mes stagiaires, il faut que j'ai suffisamment de nourriture pour tout le monde, et puis il faut que je constitue mes groupes, il faut pas non plus que je me laisse déborder, etc. Je peux pas faire un stage pour deux personnes, et après, sur un stage standard, voilà, j'essaye de me limiter à une douzaine de personnes, pour que ça reste quand même acceptable en termes de logistique. En tout cas, sauf pour les stages entreprises où là, je mets les petits plats dans les grands exceptionnellement et je peux recevoir jusqu'à 40 personnes et plus. J'ai des demandes en ce moment pour 60, donc voilà. Ouais, c'est ça devient un petit peu voilà. J'ai eu une demande pour Intersport 100 personnes. Ah oui. Donc j'étais obligé de décliner puisque voilà déjà ça devient jeu. Il faudrait je pourrais l'organiser mais j'ai pas l'effectif, j'ai pas assez de formateurs à ma disposition pour encadrer des sous-groupes de 10-15 personnes. Quoi. Je dis 100 personnes, je crois que c'était 150 en fait. Ouais. C'était Intersport au niveau France. Donc j'ai mes limites quand même. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut réserver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Alors voilà, j'ai mon site internet, j'ai un lien avec ma page Orange, avec mes mails. Donc dès que l'instant que la personne va me contacter sur vosaventuresurvie.fr, j'ai un lien direct sur ma messagerie. Et puis j'ai 4 ou 5 plateformes de réservation qui travaillent très très bien avec moi. C'est Adrenactive, Cap Adrenaline, Fun Booker, Sport Découverte, etc. Toutes ces plateformes qui réservent des activités pour les gens qui m'ont contacté, effectivement, et ça marche très très très bien. Donc il y a vraiment plusieurs moyens de, évidemment, passer en direct, comme ça je perds pas ma com avec les plateformes. Et quels sont les différents tarifs que vous proposez pour les stages? Alors en stage standard individuel pour une personne, c'est 140 € les 24 heures, 180 le week-end et 240 les 3 jours. Voilà, sachant qu'à l'intérieur de ça, vous avez la nourriture et le prêt de matériel, etc., etc. Donc, je me suis adapté un petit peu à ce qui se fait dans la concurrence, où la plupart du temps, vous payez un petit peu plus cher et il faut amener tout le matériel que moi je prête. Donc, j'estime que je me suis plutôt pas mal situé en termes de fourchette. Et c'est quoi le nombre limite de participants au stage? C'est la limite, elle est faite par mes capacités d'encadrement. 30 personnes, on est 3 instructeurs. Après, il faut que je trouve pratiquement un instructeur supplémentaire par tranche de par 15 pour tous les 15 stagiaires. Donc ça, je peux le faire, mais ça s'organise à l'avance. Après, je vous dis 150 pour l'instant, c'est pas dans mes cordes. Il faudrait que je rameute très très large. J'ai pas assez de connaissances, même pas pour. Il faut rester quand même honnête. Hein. Il faut que ça tienne la route quand même, comme on dit. Est-ce qu'il y a justement des stages de prévus prochainement? Ah oui, de toute façon, mon calendrier, il est booké jusqu'à mi-octobre. Tous mes week-ends sont pris. La plupart du temps, il y a 2 stages en même temps sur mes 2 terrains chaque week-end. Il y a encore des places disponibles. Il suffit que les gens me contactent et puis j'arrive à encore leur trouver une petite place. 19 août, ça va être compliqué. Par exemple, là, je suis monté à 15. Exceptionnellement, voilà, ça fait beaucoup de monde. Mais il faut vraiment ne pas attendre le dernier moment pour ceux qui sont intéressés. Parce que là, j'ai vraiment une forte demande. Et mon calendrier était quasiment booké en mai, pour toute la saison. Mes stages, ils sont saisonniers, en fait. Ça démarre fin mars, et ça peut commencer vacances de février, éventuellement, pour des gens vraiment pressés. Et ça peut aller jusqu'en novembre, exceptionnellement, pour des groupes constitués. Je peux pas faire un stage pour une personne, mi-novembre, par exemple. Parce qu'il y a d'abord, les nuits arrivent tôt, les journées sont courtes, il faut un équipement contre le froid, il faut être équipé spécifiquement. Donc tout ça, moi j'ai un panel de gens qui viennent avec des duvets, des sacs de couchage façon Palavas. Donc c'est pas adapté pour le février ou novembre, voilà. En tout, encore moins l'hiver, voilà. Je ne fais pas de stage en hiver parce qu'il n'y a pas de demande. Les gens, ils veulent passer un bon moment avec une météo le plus favorable possible, dans les conditions les meilleures possibles. C'est la demande qui crée l'événement, voilà. Moi, je lance pas une date comme ça en disant inscrivez-vous. Voilà, tous mes week-ends sont ouverts et les premiers qui demandent sont servis. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Absolument. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Vosges Aventures Survie. Internet, mon site Internet Vosges Aventures Survie aussi, etc. J'ai une page Insta aussi, Vosges Aventures Survie. créé par Julien, mon bras droit, et où on essaye un petit peu de communiquer le plus possible. Voilà, c'est clair que c'est de toute façon c'est incontournable, effectivement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont partie prenante, une partie majeure, hein, de l'évolution de la société. Quels sont vos futurs projets avec vos aventures survie? J'aimerais développer un petit peu plus les stages avec les entreprises, justement. Je me suis aperçu qu'avec les quelques entreprises à qui j'ai eu affaire, que c'était vraiment, ça leur plaisait beaucoup, que ça correspondait vraiment à des choses. Et puis tous les ans, les entreprises cherchent à faire une activité, un petit peu de loisir. Voilà, ils ont un budget pour ça. Et puis, mais ils y pensent pas forcément parce qu'il y a le mot survie dans vos aventures survie. Donc on retient peut-être que survie. Alors je veux quand même bien rappeler aux gens qu'on ne mange pas de racines ni de vers de terre et qu'on n'est pas tout nu sous la pluie. Voilà, faut sortir de ce qu'on voit à la télé. Dans mes stages, on vit bien, on mange bien. Je mets pas les gens en situation de survie. Hein. Survivre, c'est ne pas mourir. Hein. Donc on va éviter. Donc je mets pas les gens en difficulté. Par contre, comme j'ai plein de choses à leur apprendre, pédagogiquement, ça serait une erreur de les mettre au bout de leur vie, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai envie que mon discours soit entendu très humblement, voilà, qu'ils retiennent quelque chose de leur passage en forêt, et qu'en rentrant chez eux, ils se disent, bon voilà, je sais comment constituer mon sac, je sais faire du feu s'il y a besoin, je sais me débrouiller dans telle situation. Ça, c'est mon credo. Donc il faut vraiment que les gens soient à l'aise. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça continue comme ça à démarrer, c'est-à-dire voilà, sur les chapeaux de rue, qu'il y a toujours autant de monde demandeur de ce genre d'activité, etc. Je rappelle qu'on est vraiment dans le ludique, on se prend pas la tête, je ne suis pas un gourou, que ça continue comme ça a commencé, voilà. Je rappelle aussi, petite info, puisque je ne suis pas un gourou, effectivement, ne pas confondre survie et survivalisme. Voilà, je ne suis pas dans le survivalisme. On n'est pas dans la fin du monde, dans le scénario de la catastrophe imminente, de fin du monde. Moi, je suis dans l'optimisme, vous allez voir. Même s'il pleut, vous allez voir, on va bien manger, on va bien rigoler. Tout va bien se passer. D'accord, cette émission est maintenant terminée. Hervé, merci d'avoir été avec nous. Le plaisir est partagé, pas de souci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. À quand vous voulez, je suis à votre disposition. Super. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde.